J'entends des sons concrets, sans nuance. Tout me semble égal. Des bruits continus, un roulement spiralé. Peut-être est-ce un moteur. J'entends des bruits métalliques, des stridents s'alterner avec des espaces de silence. Et j'entends le son d'une détonation. Et un silence, immense, soudainement. Étrange silence. Le temps en suspension, un instant. J'entends un cri. Est-ce le bruit, le cri, le silence ou le son de la détonation qui est le plus incongru? La vie reprend. Des draps apparaissent d'en haut. Des femmes ont lancé des draps. On recouvre les corps, en bas. Sont-ils déjà morts? Encore vivants.